La 61e session de la Commission des Nations Unies sur la position des femmes a été ouverte le 13 au siège de l'ONU. Le délégué coréen a prononcé un discours lors du débat sur les résolutions de la 4e Conférence mondiale des femmes et de la session extraordinaire de la 23e Assemblée générale de l'ONU et leur application. L'orateur a fait remarquer que sous la conduite lucide du dirigeant suprême Kim Jong-un, les Coréennes participent activement aux activités d'État et sociales avec l'honneur et la dignité en tant que maîtres authentiques de la société pour ainsi faire une grande contribution au développement social. Il a rappelé que le gouvernement nippon ne présente toujours pas des excuses officielles et indemnisations pour ces forfaits sans précédent commis dans le passé contre l'humanité, tout en imposant aux Coréennes une vie d'esclaves sexuels au sein de l'armée japonaise dans les champs de bataille, après les avoir enlevées de force lors de son occupation de la Corée. Et il a exigé fermement une nouvelle fois de plus du gouvernement nippon la reconnaissance de sa responsabilité légale de tous ses crimes du passé, la présentation des excuses et l'indemnisation. L'orateur a fait remarquer aussi qu'au début du mois d'avril 2016, juste après la 60e session de la Commission sur la position des femmes tenue en mars de la même année au siège de l'ONU, les autorités sud-coréennes ont kidnappé à la dérobée en plein jour dans la province de Zhejiang de Chine une dizaine de citoyennes de notre République pour les emmener en Corée du Sud, ce qui est un crime anti-humain et qu'elles empêchent toujours le rapatriement de Kim Yeon-hee, citoyenne nord-coréenne qui s'est laissée tromper pour être emmenée en Corée du Sud en 2011. Il a invité la Commission des Nations Unies sur la position des femmes et tous les pays membres de l'ONU à condamner les autorités sud-coréennes pour l'enlèvement collectif et la détention forcée, comme la violation brutale des droits des femmes, le forfait contre l'humanité et la violation de la charte de l'ONU, et à coopérer étroitement pour le retour immédiat dans leur patrie des filles kidnappées et de Kim Yeon-hee.